Nouvelle école ou vétéran, du terre-terre à du pro, du bitume opérant, cash en parler, plus de blabla ni d'opéra. Y'a que l'action sur suivi qui nous plaira et nous paiera. T'entends parler nous un peu partout, là où t'ira, la rue possède ses putains, nous aussi zéro. Rougis du terre plein bouillant, tu t'es juminé, je sais que t'as la seule. Tu ne peux que le ruiner, le rap tu veux maintenant, ce que disent prétendent les minots. Grâce au bon dans les bacs depuis, nous disséminons. Je conjoins et je respecte le côté hardcore d'un gueule. Mais putain ce vieux qui porte encore un jean hardcore, c'est le dit. T'as une allée plus les inédits. Je connais aucun combattant, ni guerrier qui me dit. Ouvrier, gangster, homme d'affaires, médecin. Si la vie était belle, toujours prêt à remettre ça à la coche. La bon division taquine, on vient pas tapiner, colle pas bien, on vient le taquiner, ça va pas t'arrêter, façon. Si t'as de l'appétit, par contre, si t'as pas le bras long, arrête-toi de l'appétit. Du sud au nord, monte le son. Ça le verra à bord, je rimarque hors, dis qu'il me d'abord, sur tout ce que je déplore. Je fous des blocs en genre, pour les frères qui m'ont corps à bord. Toujours le mort, aucun remords, comme je rapture qu'on adore. Du sud au nord, monte le son, ça le verra à bord. Je rimarque hors, dis qu'il me d'abord, sur tout ce que je déplore. Je fous des blocs en genre, pour les frères qui m'ont corps à bord. Toujours le mort, aucun remords, comme je rapture qu'on adore. C'est pour les pauvres que je lis. Timon et Nino sans bouquet, le pauvre fut vainqueur. Lorsque le ghetto est sous sky, tu veux goûter, tester, l'ancienneté, nos suicides. Faille, t'as les beaux grenailles, coups de sel, les ragotins, les gens trimballent, des palouzelles. La tendance, l'ambiance, le seigneur des représailles. Pour opérer sous la neige, la pluie ou la design. Viens, bail, quand on prétend que le rap est dingue. Des brouillards méritant une médaille, faut pas que tu râles ou tu râles. Il y aura pas de bagage de ces canailles, pour qu'ils sortent du poil le goût du jus papaye. C'est pas ça ta détail, range ta maman et au bercail. Ta petite ongle sa taille, comme un look du bétail. Aïe aïe aïe. Du sud au nord, monte le son, ça le verra à bord. Je rimarque hors, dis qu'il d'abord, sur tout ce que je déplore. Je fous des blocs en genre, pour les frères qui m'ont corps à bord. Toujours le mort, aucun remords, comme je rapture qu'on adore. Du sud au nord, monte le son, ça le verra à bord. Je rimarque hors, d'abord sur tout ce que je déplore. Je fous des blocs en genre, pour les frères qui m'ont corps à bord. Toujours le mort, aucun remords, comme je rapture qu'on adore.